drame sur la terre. Y'a trop de tri dans les airs. Y'a trop de musiciens assis. Y'a trop de spectateurs assis. Y'a trop de phalanges sur les douches. Y'a trop de gens qui sont sur la douche. Y'a trop de métronomes austères. Y'a pas assez d'accords mystères. Y'a pas assez de tentacules. Y'a pas assez de trucs qui bousculent. L'harmonie plaquée du clavier qui claque des dents sous son dentier. Y'a trop de trémolos sur la terre. Y'a trop de pianos sous la mer. Y'a trop de mise en scène. Y'a trop de conservatoires pour faire. Trop de talentueux vrais guerres. Y'a trop de scolioses géniales. Y'a trop de Berlioz digital. Y'a trop de jabots derrière la gamme. Y'a trop de respect pour l'oncle Sam. Et trop de mépris pour l'oncle Tom. Oh.